profiter de toutes ces poufiasses qui nous emmerdent profondément avec leurs histoires de cul. Absolument, on n'est pas du genre brillant, mais nous au moins on sait s'amuser. Décidément, il faudrait peut-être penser à changer, à écouter des musiques qui finissent en « et ». Parce que vraiment, elle nous emmerde à toujours se plaindre et ne pas chanter en s'amusant. Elle ne sait vraiment rien faire que pleurer. Absolument, nous aussi on a des problèmes. Absolument, nous aussi on a des femmes qui nous gênent. Au moins on a su choisir des femmes qui nous respectent. Je pense qu'elles le cherchent un peu. Tous ces rigolos qui les prennent pour des filles. Garo, Figaro, Figaro, wow, wow. Comme le Figaro, tu n'as pas de caméra poire au ninja. Peut-être que nous, on sait pas vraiment chanter. Enfin, moi je parle pour moi, pas pour JB. Aussi, mon gars, on se démerde bien. Avoue que je t'ai coupé, que t'avais très envie de chanter et que tu vas encore me taper. Il est temps de chanter pour me plaindre que Joël va encore me taper. Oh yeah, me faire de petits bisous. Je fais les quiliches que tu me fais. Continue. Alors vas-y, trouve une autre note et je vais faire comme toutes ces poufières. Depuis quelque temps, Joël me pétait, mais je ne voyais pas qu'il ne me démo pas. Tout ce qu'il voulait, c'était ma vie. Et moi je m'étais attachée, j'avais vu mon futur avec lui. Et lui au lieu de ça, il me voyait avec celui-ci. Oh oui, je suis une bonne femme, je n'ai plus qu'à me pendre et arrêter de me vendre à lui. Quelque temps que je ne voyais plus JB, mais je l'ai aperçu dans un café. Il tenait dans ses bras une fille qui m'a venu, qui préférait le chien. Et je me suis approché de lui et de cette énergumène qui s'appelait Chichi. J'ai décidé que ce serait ceci, puisqu'on a parlé de petit suivi. Enfin voilà, on rigole, nous au moins on pleure pas. Et c'est ça qu'on aimerait transmettre comme message. Les gens qui ne pensent pas savoir chanter, au moins vous, vous savez vous amuser. Parce que quand vous avez un ami, peu importe si les choses que vous chantez ont un sens, du moment que vous vous amusez, ça c'est une chance. Oh oui, oh oui. Une chance de chanter en toute amitié, sans être bombardé. Sans être enchanté par le chant de son frère, de son ami, de sa sœur qui m'a poudé. Dans mes poumons, comme ce garçon, il m'aimait plus que tout. Et qu'il m'a lâché pour ses tripous. Pourquoi je m'excite contre ton bois? Alors que tu ne me prends même plus dans tes bras. Il m'a laissé seul sur le parvis de polochon, un bar ripou complètement crouton. J'avais 5 kg d'alcool dans chaque épaule et j'ai été enceinte de quadruplés. Mais je ne savais pas, car il m'avait engrossé derrière un chat. Alors que je l'aimais plus que tout, avec mes 9 enfants dans le ventre, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. J'étais amoureux de lui, il avait une moto et un blouson en cuir et des pectoraux. Il avait un poil dans le studio, dans le dos, oui, dans le dos. Un pauvre poil dans le dos que je trouvais le plus beau. Et ben, va te pendre, va te pendre, va te pendre, va te tailler les veines, va te pendre, tes fenêtres, toi, va te pendre, coupe-toi les doigts, va te pendre, saute sous le métro, va te pendre, parce que t'es vraiment un blaireau, va te pendre, va te pendre, oui, c'était pas mal non plus, va te prendre. Voilà, on a des guerres en la pornographie. J'ai compris ce que t'as dit quelques minutes avant. Quelques minutes avant. Quelques minutes avant. J'suis pas dans les. Quelques minutes avant. Oh, j'suis pas dans les. Que je t'avais demandé quelques minutes avant. Non, c'était pas comme ça avant. Quelques minutes avant. Voilà. Oh oui, quelques minutes avant. Quelques minutes avant. Quelques minutes avant. Va te pendre, va te pendre. Quelques minutes avant. Va te pendre, va te pendre. Quelques minutes avant. Va te pendre, va te pendre, quelques minutes avant. Va te pendre, va te pendre, te couper les doigts, te couper les cheveux, te défenestrer, parce que si tu crois qu'il y a toi qui a des problèmes à poule, eh ben il est temps que tu te mettes à écouter-nous des chansons qui roulent. Et tous les gens savent s'amuser, procure du plaisir aux autres. Traite d'échangisme, c'est pas grave, les poulets se balader dans la forêt. Et dans le peuple échangiste, les fourmis qui faisaient l'appellation crapaud. Pourquoi ça part de cul? Parce que ça part de zoophilie. C'est pas grave, la musée, elle fait encore plus de 30 minutes. Ça se voit, au moins. Au moins nous on y a mis du cœur, on y a mis toutes nos tripes. D'ailleurs je vais m'ouvrir le vent et le poser sur le clavier. Parce que j'aime bien m'ensanglanter, faire détonation d'organes à mon péché. Et de me couper les veines et d'ensanglanter toute ma guitare. De vomir dedans de ma maîtrise. Au moins, toi, tu sais t'amuser. Oh, qu'est-ce qu'on se marre. En train de pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait de mon placenta. Enceinte. Mon petit jeune. Il est temps de la raconter la vérité. Alors, vas-y, donne-moi un rythme que je leur raconte tout. Espèce de ribou. En fait, je vais vous dire la vérité. Nous, si on chante ça, c'est parce qu'on se fait enfanter. Et Joël avait des petits jumeaux. Oh oui, qu'est-ce qu'ils pouvaient être beaux. Moi, quand je les ai pris pour la première fois dans mes bras, je me suis demandé si c'était pas moi le papa. Parce que des fois où on a dormi ensemble, je me suis dit qu'on avait peut-être fait des choses un peu indécentes. Ça ne rime pas du tout, mais faut bien improviser pour s'amuser. Parce que nous, si on sait pas chanter, nous au moins on n'est pas en train de pleurer. Oh oui, putain, peut-être que je respire entre deux syllabes et que je laisse chanter mon petit Joël. Il va encore se plaindre que je ne le laisse pas chanter. Après, il va faire une chanson où il va pleurer. À toi. pas mal. Ok. Tu m'avais dit que tu me prendrais, que le vagin, mais passons. Tu t'es vite rendu compte que j'avais pas de vagin. Pourquoi le cul? Pourquoi le cul? J'ai pas la seule vie. Oh oui. Tu m'avais dit que tu me ferais que des câlins, que des bisous dans le cou. T'as pas attendu une seconde pour me faire boire un verre. On aurait dit une sonde qui est entrée en moi. Il m'a pénétré profondément dans le nez, qui a sorti par mes bras. Et quand je me suis réveillé, tu m'avais sodomisé. Oh ouais, sodomisé. Pourquoi t'as de bêtises? T'es vraiment indécent. On sait s'amuser mais on parle un peu beaucoup de cul. Surtout entre gars. Entre gars, oui. Et le maillot fait. J'ai une chaîne, oui. Oh oui, je montre mes cuisses. Tout de poil du nid. Tout de poil du et faire le bouton de courir. Et le frotti-frotta du choc qui me donne une sélection. Oh oh. Oh, cette musique n'ira jamais sur Jamendo. Ah non, palololo. Je pense qu'il est temps de faire un final. Parce que là, je crois qu'on a résumé tout ce qu'il y avait à dire. Et pour l'avoir vécu, non, tu ne chanteras pas. Quand je fais un final, tu n'as qu'à m'en mettre tes bras. Et ta joue pleine de mouches. J'adore leur petite bouche. Quand une petite mouche vient vers vous. Tu as déjà fait le coup des mouches dans une autre musique. Allez, fais les abeilles si tu veux. Les ragots d'un des prêts. Allez, vraiment là je crois que je suis inspiré pour résumer toutes ces femmes qui ont pleuré à la télé pour raconter leurs soucis comme s'il n'y avait qu'elles qui avaient envie dans leur vie. Je me suis emmêlé les pinceaux. Oh, oh oh oh oh oh. Moi je vous dis les gars, si vous tombez avec des filles comme ça, prenez vos jambes à votre cou. Oh oui, regardez un peu mes bébés à la caméra. Mais je vous donne mon montrer comment on fait pour prendre ses jambes à son cou et partir très très loin. Parce que c'est vicieux des emmerdeuses et qu'il n'y a qu'une solution. J'ai à l'habitude. Je kiffe avec une fille comme ça. Non. Si tu n'écoutes jamais cette chanson, je t'en supplie. Ou tu vas vraiment croire que je fais ça au lit. Mais non, en fait, je ne fais que pipi. Et aussi un peu. Ce qui est bien, c'est que j'aurais beaucoup chanté ici à présent. J'aurais même pas de doigts. Et toi, c'est à moi de chanter. Et toi, c'est à toi de jouer de la guitare. Et de me lever. Et de faire des pétards. Et de manger des lards. Et des lardons. Et des. Et du jambon. Ouais, j'en ai dit un. Là, tout de suite, vous savez ce que j'ai envie. C'est jouer à Army of Two. Ouais, bah, je crois que tu te grattes le doudou. Et pour you, you. Mon cas, je pense que je vais allumer la télé. Tu es sérieux? Je suis enfin tout seul, je vais pouvoir chanter. Oh non, genre, c'est moi qui t'empêche. Non. La preuve, encore une fois. Je suis le nerf moteur du groupe. Enchaîne, guitarion.